Émission hors série, classique 1. Bonjour et bienvenue à cette émission hors série de notre podcast dans laquelle on s'intéressera à un auteur et aux productions audio libres et gratuites de son œuvre que l'on peut trouver facilement sur le web. Christian Martin, au microphone. Pour cette émission, j'ai choisi Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Citons Wikipédia pour le volet biographique. Arthur Ignatius Conan Doyle est né à Édimbourg, en Écosse, le 22 mai 1859, dans une famille catholique d'origine normande, immigrée du village d'Ouilly-sur-Orne. D'un père anglais, Charles Altamont Doyle, et d'une mère irlandaise, née Mary Foley, mariée en 1855. D'après la préface de la version française de La Compagnie Blanche, il serait aussi un descendant des Hugues de Bretagne. Cet arbre généalogique serait à l'origine de sa passion pour l'histoire et ainsi de ses œuvres La Compagnie Blanche et Sir Nigel. Conan est son troisième prénom, mais il l'associe plus tard à son patronyme. Conan Doyle effectue sa scolarité primaire à l'école préparatoire des Jésuites de Other Place, dans la ville de Earth Green, près de Clitheroe, dans le Lancashire. À l'âge de 9 ans, il est inscrit au collège de Stonyhurst, qu'il quitte vers 1875, rejetant le christianisme avant de devenir agnostique. De 1876 à 1881, il étudie la médecine à l'Université d'Édimbourg et effectue plusieurs stages à Hastings, actuellement un district de Birmingham, et à Sheffield. Tout en pratiquant la médecine, il commence à écrire des nouvelles, dont les premières sont publiées dans le Chambers Edinburgh Journal, avant sa 20e année. Il obtient son doctorat en 1885 avec une thèse consacrée au tabès, une manifestation fréquente à l'époque des complications nerveuses tardives de la syphilis. Après ses études, il sert comme médecin de bord d'un navire, effectuant un voyage sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Il parcourt les mers de l'Arctique aux côtes de l'Afrique. C'est à une œuvre patriotique sur la guerre en Afrique qu'il doit être anobli. On peut maintenant visiter son ancienne maison à Londres. En 1882, il s'associe avec son ancien camarade d'université, George Budd, dans un cabinet médical à Plymouth. Mais leur relation s'avère difficile et Conan Doyle finit par s'installer indépendamment. Arrivant à Portsmouth en juin de cette même année avec moins de 10 livres à son nom, il ouvre son cabinet médical à 1 Bosch Villas à Elm Grove, Salty. Au début, le cabinet n'a pas un grand succès et, en attendant les patients, il recommence à écrire des histoires. Son premier travail d'importance est Une étude en rouge qui paraît dans le Beaton's Christmas Annual en 1887. C'est la première apparition de Sherlock Holmes, personnage en partie inspiré par son ancien professeur d'université, Joseph Bell, à qui Conan Doyle écrit « C'est très certainement à vous que je dois Sherlock Holmes, autour du noyau déduction, inférence et observation que je vous ai entendu enseigner, j'ai essayé de construire un homme. » Cette similitude n'échappe pas à l'écrivain Robert Louis Stevenson, qui écrit à Conan Doyle de la lointaine Samoa « Mes compliments pour vos ingénieuses et intéressantes aventures de Sherlock Holmes. » Peut-il s'agir de mon vieil ami Joe Bell? D'autres auteurs suggèrent des influences supplémentaires, par exemple le fameux personnage Auguste Dupin d'Edgar Allan Poe. Conan Doyle, Une étude en rouge, chapitre 1er, Monsieur Sherlock Holmes. En 1878, reçu médecin à l'Université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée. Et là, je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusiliers de Northumberland en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt et je parvins sans encombre à Kandahar, où il stationnait. J'entrai immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi elle n'apporta que déboires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi je participai à la fatale bataille de Maywand. Une balle m'atteignit à l'épaule, elle me fracassa l'os et frôla l'artère sous clavière. Je n'échappai au sanguinaire gazis que par le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray. Il me jeta en travers d'un cheval de bât et put me ramener dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé avec un convoi de nombreux blessés sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt, j'entrai en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles et même j'allais me chauffer au soleil sous la véranda, quand la fièvre entérique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie. Mais j'étais si faible, tellement amaigri, qu'une commission médicale décida mon rapatriement immédiat. Je m'embarquai sur le transport Oronte, et un mois plus tard, je posai le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, le gouvernement paternel m'octroya 9 mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents ni amis. J'étais aussi libre que l'air, autant du moins qu'on peut l'être, avec un revenu quotidien de 9 shillings et 6 pence. Naturellement, je me dirigeais vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menais dans un hôtel privé du Strand une existence sans but et sans confort. Je dépensais très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante, ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. Vivant à Santi, Conan Doyle joue au football dans un club amateur, le club de football de l'association de Portsmouth, occupant le poste de gardien, sous le pseudonyme de A.C. Smith. Conan Doyle était également un bon joueur de cricket, et entre 1899 et 1907, il joue 10 matchs de première classe pour le Marylebone Cricket Club. Son meilleur score, 43 contre le London County en 1902. En 1885, il épouse Louisa Hawkins, surnommée Twi, qui souffre d'une tuberculose et meurt le 4 juillet 1906. En 1907, il se remarie avec Jean Elizabeth Leckie, qu'il avait rencontrée en 1897, mais avec qui il avait maintenu une relation platonique en toute loyauté tant que son épouse était en vie. Jean décédera à Londres le 27 juin 1940. Conan Doyle eut 5 enfants, 2 de sa première épouse, Mary Louise, 28 janvier 1889, 12 juin 1976, et Arthur Allen Kingsley, connu sous le nom de Kingsley, 15 novembre 1892 au 28 octobre 1918, et 3 de sa seconde épouse, Dennis Percy Stewart, 17 mars 1909 au 9 mars 1955, qui devint le second époux en 1936 de la princesse géorgienne Nin Mdavi, environ 1910 au 19 février 1987, ancienne belle-sœur de Barbara Hutton. Adrian Malcolm, 1910 à 1970, et Jean Lena Annette, 1912 à 1997. En 1893, sa sœur Constance épouse Ernest William Arnon, créateur de Raffles, un gentleman cambrioleur. En 1890, Conan Doyle étudie l'ophtalmologie à Vienne et emménage à Londres en 1891 pour s'établir comme ophtalmologue. Il écrit dans son autobiographie qu'aucun patient ne franchit le seuil de sa porte. Ceci lui donne plus de temps pour l'écriture et, en novembre 1891, il écrit à sa mère « Je réfléchis à tuer Holmes et le liquider corps et âme. Il me détourne l'esprit de meilleures choses. » Sa mère lui répond « Faites comme bon vous semble, mais le public ne le prendra pas de gaieté de cœur. » C'est chose faite en décembre 1893 quand paraît la nouvelle « Le dernier problème ». Holmes disparaît dans les chutes du Rickenbach avec le professeur Moriarty. Sir Arthur Conan Doyle, le problème final. C'est avec une profonde tristesse que je consacre ces dernières pages au souvenir de mon ami Sherlock Holmes, dont les facultés si exceptionnelles ont inspiré tous mes récits. Je me suis donné pour tâche de dévoiler au public les faits vraiment extraordinaires auxquels je me suis trouvé mêlé, depuis l'époque où un hasard particulier qui nous a réunis autour d'une étude en rouge, jusqu'au moment où mon ami a dû intervenir dans l'affaire du traité naval. Je tiens à faire remarquer en passant que cette intervention a évité sans aucun doute des complications internationales très menaçantes. Je sens que mon œuvre est imparfaite, incohérente même. J'avais la ferme intention de ne pas la poursuivre, de passer sous silence l'événement qui a créé dans ma vie un vide si grand qu'au bout de 2 années, il n'est pas encore comblé. Mais les lettres publiées récemment, lettres dans lesquelles le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère, m'ont forcé à rompre le silence, et je me vois obligé d'exposer au public les faits tels qu'ils se sont passés. Je suis d'ailleurs seul à connaître la vérité absolue. Il n'y a du reste plus rien à ménager. L'heure de parler est venue. Je crois pouvoir affirmer que les faits n'ont été connus que par 3 organes. Le journal de Genève du 6 mai 1891, une dépêche Reuters reproduite dans les journaux anglais du 7 mai, et enfin les lettres toutes récentes auxquelles je viens de faire allusion. Les 2 premières de ces relations étaient très succinctes. Quant à la dernière, elle dénaturait complètement l'événement. Je vais le prouver, car il appartient à moi seul de révéler à l'opinion publique les incidents véridiques et réels survenus entre le professeur Moriarty et M. Sherlock Holmes. Vous vous souvenez peut-être qu'après mon mariage et mes débuts comme médecin civil, l'intimité qui avait jusque-là existé entre Holmes et moi s'était sensiblement refroidie. Il venait encore me voir de temps à autre quand il avait besoin d'un compagnon pour ses enquêtes, mais ces occasions devenaient de plus en plus rares, et en 1890, il ne s'en présenta, à ma souvenance, que 3. Pendant l'hiver de cette même année, et au début du printemps de 1891, j'appris par les journaux que le gouvernement français avait chargé mon ami d'une mission de la plus haute importance. Les 2 lettres que Holmes m'adressa de Narbonne et de Nîmes me firent supposer que son séjour en France serait de longue durée. Aussi fus-je très surpris de le voir entrer le 24 avril au soir dans mon cabinet de consultation. Je m'aperçus immédiatement qu'il était plus pâle et plus maigre que de coutume. Conan Doyle peut alors consacrer plus de temps à des œuvres plus importantes à ses yeux, ses romans historiques. Ainsi, 14 ans après La Compagnie Blanche, son roman préféré,

Bien qu'il ait obtenu un score respectable, il n'a pas été élu. Conan Doyle a été impliqué dans la campagne pour la réforme de l'État indépendant du Congo, menée par le journaliste Eddie Morrell et par le diplomate Roger Kismond. Au cours de l'année 1909, il écrivit « Le crime du Congo », un long pamphlet dans lequel il dénonce les horreurs de ce pays. Il devint proche de Morrell et Kismond, et il est possible qu'avec Bertram Fletcher Robinson, ceux-ci soient la source d'inspiration des personnages du roman « Le monde perdu ». Il a rompu avec ses deux partenaires car Morrell est devenu l'un des meneurs du mouvement pacifiste pendant la Première Guerre mondiale et quand Kismond a été reconnu coupable de trahison avec le Royaume-Uni pendant l'insurrection de Pâques. Conan Doyle a tenté, en vain, de sauver ce dernier de la peine de mort en faisant valoir qu'il était devenu fou et n'était pas responsable de ses actes. Conan Doyle a personnellement enquêté sur deux affaires jugées contribuant dans les deux cas à la libération des condamnés. Le premier cas, en 1906, impliquait un homme d'origine parsi, Georges Eladji, inculpé en décembre 1906 de chantage et d'abattage de bétail à Great Wyrley, Staffordshire. Conan Doyle mena une énergique campagne de presse mettant en relief les multiples points d'ombre de l'affaire et Eladji fut élargi à discrétion en 1907. Le deuxième cas est celui d'Oscar Slater, un juif allemand arrêté à New York et reconnu coupable de matraquage sur une femme de 82 ans, Miss Miriam Gilchrist, à Glasgow, le 21 décembre 1908. Slater fut condamné à mort par le tribunal de Glasgow en mai 1909, mais le mémoire en défense d'Edwin Spears et une pétition signée de 20 000 citoyens permirent de commuer sa peine en détention à perpétuité. D'abord suspicieux, Doyle accepta, à la demande des avocats de Slater, de réexaminer l'affaire en vue d'une requête en appel, et il prit conscience des incohérences du dossier qu'il dénonça sans succès dans un premier article. Slater devait continuer à purger sa peine jusqu'en 1927. Finalement, les deux principaux témoins de l'affaire, Helen Lambie et Mary Barrowman, se rétractèrent et Slater fut libéré le 27 novembre 1927. À la suite du procès en révision, le gouvernement accorda à Slater un dédommagement de 6 000 livres. Conan Doyle sort agnostique des écoles catholiques de son enfance, mais ce scepticisme ne l'empêchera pas par la suite de se consacrer au spiritualisme et d'écrire divers ouvrages dans lesquels il prétend prouver l'existence de la vie après la mort et la possibilité de communiquer avec l'au-delà. Après la mort de son épouse Louisa en 1906, de son fils Kinsley, son frère John Francis Hines A. Darlin, dit Hines Rudolph, ses deux beaux-frères, dont l'un était Ernest William Harnum, l'auteur de Raffles, et de ses deux neveux pendant la Première Guerre mondiale, Conan Doyle sombra dans une dépression. Il trouva le réconfort en défendant le spiritualisme et ses supposées preuves scientifiques de l'existence outre-tombe. Kingsley succomba le 28 octobre 1918 d'une pneumonie qu'il avait contractée au cours de sa convalescence après avoir été sérieusement blessé pendant la bataille de la Somme en 1916. Le brigadier général John Francis Hines Doyle, jeune frère de Conan Doyle, mourut en 1919 également à cause d'une pneumonie. Conan Doyle s'est impliqué dans le spiritualisme dans la mesure où il a écrit un roman du cycle des professeurs Challenger sur le sujet au pays des brumes. Son livre, La venue des fées, 1921, montre qu'il était apparemment convaincu de la véracité des photographies des fées de Cottingley qu'il a reproduites dans son livre, regroupées avec des théories sur la nature et l'existence des fées et des esprits. Dans son ouvrage, L'histoire du spiritualisme, 1926, Conan Doyle loua les phénomènes psychiques et les matérialisations d'esprits produites par Ezefia Palladino et Mina Crandon. Son travail sur le sujet est une des raisons pour lesquelles une série de ses nouvelles des aventures de Sherlock Holmes a été interdite en Union soviétique en 1929 pour occultisme. Conan Doyle s'était lié d'amitié pendant un temps avec le magicien américain Harry Houdini, qui devint lui-même fervent opposant au mouvement spiritualiste dans les années 1920 à la suite du décès de sa mère bien-aimée. Bien qu'Houdini insista sur le fait que les médiums spiritualistes utilisaient des supercheries, et essaya continuellement d'en révéler les tricheries, Conan Doyle se convainquit qu'Houdini possédait lui-même des pouvoirs supranaturels. Il exprime ce point de vue dans son livre « Le bord de l'inconnu ». Houdini se trouvait apparemment dans l'impossibilité de convaincre Conan Doyle que ses exploits n'étaient que des tours de magie. Ce conflit entraîna l'épuisement d'un public amer tiraillé entre les deux interprétations. Le corps de Conan Doyle a été retrouvé dans le hall de Windlesham, sa maison de Crowborough, dans l'East Sussex, au Royaume-Uni, le 7 juillet 1930. Il est mort d'une attaque cardiaque, âgé de 71 ans. Ses derniers mots avaient été adressés à sa femme. « Tu es merveilleuse. » L'épitaphe de sa tombe dans le cimetière de l'église de Minstead à New Forest, Hampshire, dit « Vrai comme l'acier, droit comme une lame, Arthur Conan Doyle, chevalier, patriote, médecin et homme de lettres. » Undershaw, la maison que Conan Doyle a construite près de Hindhead, dans le sud de Londres, et où il a vécu pendant 10 ans, devint un hôtel de 1924 à 2004. Puis, elle a été rachetée par un promoteur immobilier. Depuis, des écologistes et des fans de Conan Doyle s'abattent pour la conserver. Une statue honore Conan Doyle à Crowborough Cross, dans Crowborough, où il a vécu pendant 23 ans. Une autre, représentant Sherlock Holmes, a également été dressée sur la place Picardie d'Édimbourg, en Écosse, près de la maison où Conan Doyle est né. Ironie de l'histoire, son œuvre historique, à laquelle il accordait la plus grande importance, est aujourd'hui presque oubliée. En revanche, son personnage de Sherlock Holmes, qui est considéré comme une création de littérature alimentaire, est aujourd'hui mondialement célèbre. Il a été fait chevalier par le roi Édouard VII le 24 octobre 1902. Les aventures de Sherlock Holmes comprennent 4 romans et 56 nouvelles publiées entre 1887 et 1930. En audio libre et gratuit en français, nul doute que René De Passe est l'interprète qui a rendu le plus de textes d'Arthur Conan Doyle. À la mi-août 2014, j'en ai recensé plus de 60 qu'il a enregistrés pour littératureaudio.com. Deux de ses œuvres étaient également disponibles sur le défunt site de Victoria, au fil des lectures. Le site n'est plus, mais heureusement, les enregistrements existent encore sur Internet Archive. Ces deux œuvres sont Le chien des Baskerville et L'école du prieuré. Arthur Conan Doyle, L'école du prieuré. Nous avons assisté à des entrées et à des sorties bien dramatiques dans notre petit appartement de Baker Street, mais je ne me rappelle aucune apparition plus subite et plus extraordinaire que celle du docteur Thorleycroft Huxtable, maître S.R., docteur en philosophie, etc. Sa carte de visite, trop petite pour contenir tous ses titres académiques, l'avait précédé de quelques secondes, puis il était entré avec une attitude si majestueuse, si pompeuse et si digne, qu'il semblait la personnification du sang-froid et de l'aplomb. Et pourtant, à peine la porte s'était-elle fermée derrière lui, qu'il dut s'appuyer contre la table, puis son long corps s'affaissa sur le sol et resta allongé, sans connaissance sur notre peau d'ours. Nous nous levons précipitamment. Pendant quelques instants, nous contemplons ce naufragé qu'un orage soudain et terrible venait d'atteindre au milieu de l'océan de la vie. Holmes lui place un coussin sous la tête, tandis que je porte à ses lèvres un verre de cognac. Les soucis avaient ridé son visage pâle, ses paupières énormes étaient entourées d'un cercle noirâtre, sa bouche édentée était douloureusement contractée, ses joues grasses portaient une barbe de plusieurs jours. Sa chemise et son col dénotaient un long voyage, et ses cheveux en désordre se dressaient sur sa tête. Cet homme avait sans nul doute été gravement atteint. « Qu'est-ce que c'est, Watson ?» demanda Holmes. Ben, une faiblesse bien caractérisée, due probablement à la faim et à la fatigue, répondis-je en lui tâtant le pouls et en constatant que le cours de la vie était chez lui bien faible. Voilà un billet de retour pour Mackleton, dans le nord de l'Angleterre, fit Holmes en le retirant de la poche du visiteur. Il n'est pas encore midi, il est donc parti de bon matin. Les paupières du malade commençaient à remuer et ses yeux gris encore vagues s'axaient sur nous. Un instant après, il se relevait rouge de honte. « Oh, pardonnez-moi ma faiblesse, monsieur Holmes. Je suis complètement bouleversé. Oh, si vous pouviez me donner un biscuit, un verre de lait, je crois que cela me remettrait. Je suis venu moi-même, monsieur Holmes, afin d'avoir la certitude de vous ramener avec moi. Nous avions peur qu'une dépêche ne pût vous convaincre de l'urgence de notre affaire. » Quand vous serez tout à fait remis. Oh, je veux bien maintenant. Je puis comprendre la cause de cette faiblesse. Je vous serai reconnaissant, monsieur Holmes, de vouloir bien revenir avec moi à Mackleton par le prochain train. Mon ami secoua la tête. Au premier regard, littératureaudio.com semble offrir tous les textes mettant en scène Sherlock Holmes, sauf la vallée de la peur. Carole, membre actif du site et l'interprète de Madame Coudon dans nos aventures du PC Show avec Paul Courtemèche, est allé jusqu'à traduire plusieurs nouvelles pour le compte de littératureaudio.com. Également pour littératureaudio.com, Pascal Fraine a enregistré 6 textes d'Arthur Conan Doyle, soit Peter le Noir, Une momie qui ressuscite, Les 6 Napoléons, L'abbaye de Grange, La seconde tâche et Charles-Auguste Milburton. Sherlock Holmes triomphe. Arthur Conan Doyle. Peter le Noir. Je n'ai jamais connu Sherlock Holmes mieux en forme au point de vue physique et moral qu'au cours de l'année 1895. Sa renommée grandissante lui avait amené une clientèle immense. Et ce serait une indiscrétion de ma part de faire connaître le nom des augustes personnes qui franchirent le seuil de notre appartement de Baker Street. Holmes, cependant, comme tous les grands artistes, ne vivait que pour son art, et sauf dans l'affaire du duc d'Holderness, je l'ai rarement vu réclamer une grosse récompense pour prix de ses services inestimables. Il était si peu mondain ou si capricieux que souvent je l'ai vu refuser son aide aux personnes riches et haut placées dont les affaires ne lui convenaient pas, pour consacrer des semaines d'études compliquées à des problèmes intéressant des clients plus humbles, mais dont les aspects dramatiques fascinait son imagination et son intelligence. Pendant cette année mémorable, une succession d'affaires plus étranges les unes que les autres avait occupé son attention. Depuis l'enquête restée fameuse sur la mort soudaine du cardinal Torca, à laquelle il procéda sur le désir de sa sainteté jusqu'à l'arrestation de Wilson, le fameux éleveur de Canaries, qui débarrassa Londres d'un des plus dangereux criminels. À la suite de ces deux fameuses affaires, survint ce drame de Woolmansley, la mort du capitaine Peter Carey, entouré de circonstances si mystérieuses. L'histoire des faits et gestes de Sherlock Holmes resterait incomplète si je ne me décidais à faire le récit de cette aventure extraordinaire. Pendant la première semaine de juillet, mon ami s'était absenté de notre appartement si souvent et pendant si longtemps que je pensais bien qu'il avait quelque chose en train. Ce fait, que plusieurs individus de mauvaise mine étaient venus pendant son absence demander le capitaine Basil, me fit comprendre Sherlock Holmes était en train de travailler quelque part sous un des nombreux déguisements qui masquaient parfois son identité. Il ne me parla pas de ses préoccupations, et il n'était pas dans mes habitudes de forcer ses confidences. Ma première supposition fut qu'il se livrait aux recherches les plus importantes. Eglantine a interprété 5 textes de Conan Doyle pour Audiocité.net. Il s'agit de L'aventure de 3 étudiants, Un cas d'identité, Le visage jaune, L'aristocratique célibataire et Les 5 pépins d'orange. Arthur Conan Doyle. Nouveaux exploits de Sherlock Holmes. Aventure de 3 étudiants. Lu par Eglantine pour Audiocité.net. Au cours de l'année 1886, une série d'événements sur lesquels je n'ai pas à insister nous obligea, Sherlock Holmes et moi, à passer plusieurs semaines dans une de nos grandes villes, chef-lieu d'une université. C'est pendant cette période que se passa l'aventure que je vais raconter. Je n'ai pas besoin de dire que tout détail pouvant faire deviner au lecteur soit l'université, soit les personnages en cause, sera soigneusement caché avec le plus grand soin, car un scandale si douloureux ne doit pas être dévoilé. Il m'est cependant permis, en usant d'une rigoureuse discrétion, d'écrire ce récit qui fera voir, une fois de plus, les remarquables qualités de mon héros, tout en faisant de mon mieux pour empêcher qu'on puisse découvrir le lieu où les faits se sont passés et l'identité des acteurs. Nous habitions un appartement meublé auprès d'un libraire, chez lequel Sherlock Holmes passait une partie de son temps à fouiller laborieusement les archives de vieux chartriers du Moyen-Âge. Ses recherches, d'ailleurs, eurent des résultats si surprenants qu'elles feront peut-être plus tard l'objet d'un de mes récits. Ce fut dans cet appartement qu'un soir nous reçûmes la visite d'une de nos connaissances, M. Hilton Holmes, administrateur et maître de conférences au Collège de Saint-Luc. M. Holmes était un homme de taille élevée, maigre et d'un tempérament très nerveux. Je l'avais toujours connu très agité, mais à ce moment, il était tellement bouleversé qu'un événement grave venait certainement de se produire. « J'espère, M. Holmes, dit-il, que vous pourrez nous donner quelques heures de votre temps si précieux. Il vient de se produire à notre collège un incident des plus pénibles et, réellement, si je n'avais pas eu la chance de vous avoir dans la ville, je n'aurais su que faire. Je suis très occupé en ce moment, et je serais très contrarié d'être dérangé, dit mon ami. Je préférerais de beaucoup vous voir appeler la police à votre aide. Non, non, mon cher monsieur, c'est absolument impossible. Quand l'action publique est mise en mouvement, on ne sait où elle s'arrêtera, et c'est une affaire au sujet de laquelle il est nécessaire, pour le bon renom du collège, d'éviter tout scandale. Votre discrétion est aussi connue que votre pouvoir. Vous êtes le seul homme au monde qui puissiez m'aider. Aussi, je vous supplie, monsieur Holmes, de faire tout ce qui vous sera possible. » Le caractère brusque de mon ami ne s'était pas amélioré depuis qu'il avait quitté Baker Street. L'absence de ses livres, de ses produits chimiques, du désordre apparent de son appartement le mettait au désespoir. Il haussa les épaules, tandis que notre visiteur, avec force de geste, nous mit en quelques mots au courant de son histoire. Également pour Audiocité.net, Stanley a enregistré « L'homme à la lèvre troussée »,« Aventure de la bande mouchetée » et « L'escarboucle bleue ». Arthur Conan Doyle. Nouvelles aventures de Sherlock Holmes. L'homme à la lèvre retroussée. Traduit par Jeanne de Polignac. Lu par Stanley K. pour le site audiocité.net. Isaac Whitney, frère du défunt Elias Whitney, docteur en théologie, principal de l'école de théologie de Saint-Georges, s'adonnait à l'opium. Il paraît qu'il contracta ce vice au collège, à la suite d'une ridicule espièglerie. Il avait lu la description des rêves et sensations de Kinsey, et pour produire les mêmes résultats à son profit, il avait inondé son tabac de laudanum. Il découvrit, comme beaucoup d'autres, qu'il est plus facile de prendre une habitude que de s'en débarrasser. Et pendant plusieurs années, lui qui avait été un homme respectable, devint sous l'empire de cette passion un objet d'horreur et de pitié pour ses parents et amis. Je le vois encore, assis, tout ramassé sur lui-même. Je vois son teint jaune et empâté, ses paupières lourdes, ses pupilles réduites à la dimension de pointes d'épingle. En un mot, l'image de la dégradation. Une nuit, c'était en juin 1889, on sonna à ma porte à peu près à l'heure où un homme aux habitudes rangées commence à bâiller et regarde la pendule. Je me redressai sur ma chaise et ma femme laissa tomber son ouvrage sur ses genoux avec une petite moue de désappointement. « Un client, » me dit-elle. « Vous allez être obligé de sortir. » Je laissai échapper un gros soupir, car j'avais eu une journée fatigante et j'aspirais au repos. La porte s'ouvrit. Nous entendîmes quelques mots prononcés à la hâte, des pas rapides dans le corridor, et on introduisit dans le salon une dame vêtue d'une robe sombre, le visage caché sous un voile noir. « Excusez-moi de venir si tard, » balbutia-t-elle. Puis, perdant toute contenance, elle se jeta au cou de ma femme et sanglota sur son épaule. Sur Internet Archive, lu par Larry San, on trouve « Quand la Terre hurla » et « La machine à désintégrer ».« Quand la Terre hurla » de Arthur Conan Doyle, 1928. Je me rappelais vaguement avoir entendu mon ami Edward Malone, de la Gazette, parler du professeur Challenger, en compagnie duquel il avait vécu quelques aventures assez remarquables. Mais je suis tellement accaparé par mon métier, et ma firme est si submergée de commandes, qu'en dehors de ce qui touche à mes intérêts personnels, je sais mal ce qui se passe dans le monde. En gros, j'avais gardé de Challenger l'image caricaturale d'un génie sauvage, violent et sectaire. Je fus grandement surpris de recevoir de lui une lettre d'affaires rédigée dans les termes suivants. 14 bis, Enmore Gardens, Kensington. Monsieur, j'ai l'occasion de louer les services d'un expert en forage artésien. Je ne vous dissimulerai pas que mon opinion sur les experts n'est pas très haute. J'ai maintes fois constaté qu'un homme qui, comme moi-même, est doté d'un cerveau bien agencé, dispose d'une largeur de vue plus grande et plus saine qu'un soi-disant spécialiste, lequel se cantonne dans l'exercice d'un savoir particulier. Néanmoins, je suis résolu à vous mettre à l'épreuve. En regardant la liste des autorités en puits artésiens, une certaine bizarrerie, absurdité, allais-je écrire, dans votre nom, a retenu mon attention. J'ai pris des renseignements, et il s'est trouvé que mon jeune ami, M. Edward Malone, vous connaissait. Je vous écris donc pour vous dire que je serais heureux d'avoir un entretien avec vous. Si vous répondez aux conditions requises, et celles que je requiers ne sont pas minces, il est possible que je vous confie une affaire extrêmement importante. Je ne puis vous donner plus de précisions sur l'affaire en question, sinon qu'elle est des plus secrètes.